Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Levez-vous, s'il vous plaît, ceux qui sont toujours assis, levez-vous. Et fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions ce matin. Merci encore pour la grâce que tu nous fais chaque jour, Seigneur. Et nous sommes là ce matin. Bénis-nous. Bénis nos vies. Saint-Esprit, viens nous aider ce matin. Et viens nous ordonner nos pas. Et viens nous montrer quoi faire dans la volonté du Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, tout le monde dise Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans Luc 16, verset 19. Alléluia. Luc 16, verset 19. Prenez vos Bibles. Si vous avez la Bible sur le téléphone, ou bien vous avez iPad, ou bien tablette, hein? Prenez tout le monde. Si tu n'as pas, tu n'as rien à mener, tu peux lire avec ton voisin, s'il vous plaît. OK? Pour ne pas dire que le pasteur est en train de lire autre chose. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 19. Il y a un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du cerf, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a en nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous, alléluia, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il les écoute. Et il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, s'il n'écoute pas les pasteurs, qu'il n'écoute pas les gens, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Que le Seigneur ajoute à sa parole ses bénédictions. Alléluia. À la lecture de sa parole. Alléluia. Amen. C'est une histoire, alléluia, qui nous donne un peu. La semaine passée, on a parlé un peu des leçons. Alléluia. On a pris quelques leçons de cette histoire. Alléluia. Hein? C'est la vie. C'est la vie que nous avons. Ça résume. Hein, toute la vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et on a appris beaucoup de leçons. Et l'une des leçons qu'on a appris dit que envoie Lazare dans la maison. J'ai 5 frères qui sont là et qui leur attestent pour qu'ils se repentissent et puis ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Alléluia. Yeah, ça, c'est très important. Hein? Lorsque tu te retrouves dans l'enfer un jour, la seule chose qui est importante, ce n'est pas tes richesses, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ce que tu as. La seule chose que l'on va faire, je pense que presque tout le monde qui est dans l'enfer veut être évangéliste. Alléluia. Yeah, pour que les gens ne viennent pas dans l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et il faut savoir, l'une des choses que nous avons aussi appris, que on ne meurt pas. Lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse, Genèse chapitre 2, verset 7, je pense. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Alléluia. La vie que Dieu souffla, souffle de vie. Et c'est cette vie qui ne meurt pas. Alléluia. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Yeah. Nous sommes sales. Nous sommes la poussière. Ce que nous voyons, c'est la poussière. Est-ce que vous comprenez? Yeah, ce que nous voyons, c'est pourquoi on t'amène dans le cimetière. Yeah. Yeah. On n'a pas besoin de t'habiller. On n'a pas besoin de te mettre dans un cercueil. Ah oui, c'est pas important. Après la mort. Ou bien, est-ce que c'est important? On t'habille, ici au Ghana, on peut t'habiller deux fois. Lorsque tu meurs, on peut t'habiller deux fois, on t'enlève et puis on change d'habit pour toi. Celui qui est mort est le corps. Yeah. C'est la poussière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit que l'homme, Dieu souffla. Hein? Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Donc c'est ce que Dieu a soufflé qui donne vie au corps. Et c'est ça qui ne meurt pas. Alléluia. Et une leçon qu'on peut apprendre de l'histoire de Lazare et l'homme riche, c'est que il y a seulement deux endroits. Sinon, l'homme riche va dire, non, je ne vais pas aller dans le Saint-Abraham, mais je vais aller dans un autre endroit. Ou bien, yeah. Mais là, lorsqu'il s'est retrouvé dans l'enfer, là, le seul lieu qui restait, c'est le ciel. Et la Bible dit, il y a un grand abîme entre le ciel et l'enfer. Et donc, ceux qui se trouvent dans l'enfer ne peuvent pas aller au ciel, et ceux qui sont au ciel ne peuvent pas aller dans l'enfer. Alléluia. Yeah. Yeah. Donc, c'est important. Et donc, un jour, nous allons mourir. Donc, après toutes les leçons qu'on a apprises de cette histoire de Lazare et de l'homme riche, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous croyons qu'il y a un ciel? Hein? Le ciel, c'est aussi, on peut l'appeler le paradis. Alléluia. Ou bien, on peut aussi dire que c'est le sein d'Abraham. Là où Lazare était consolé. Hein? Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons? Est-ce que nous croyons qu'il y a un ciel qui existe? Est-ce qu'on ne croit pas toujours? Alléluia. Si on croit, donc, qu'est-ce que nous devons faire? Waouh. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Yeah. Dans 1 Corinthiens. Chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Verset 50. Alléluia. Ce que je dis, frère. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous avez vu, non? La chair et le sang, ce que tu vois, la chair et le sang ne peuvent pas aller au ciel. Waouh! Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Yeah. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Il y a une trompette, oh. Sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Donc cela veut dire que le dernier jour, le jour de la trompette là, il y aura les gens qui seront vivants sur la terre. Mais il y a d'autres qui sont déjà morts. Alléluia. Yeah. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel révèle l'immortalité. On va être changé. Alléluia. Yeah. On va prendre un autre corps. Parce que le corps que nous avons, le sang et le corps, ne peut pas aller au ciel. Donc, ils doivent avoir changé, nous donner un autre corps, alléluia, qui puisse aller au ciel. C'est ça qu'on appelle incorruptibilité. Alléluia. Lorsque ce corps corruptible sera revêti d'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêti d'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Yeah. Donc, si nous croyons que le ciel existe et l'enfer existe, et que nous voulons aller au ciel un jour, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Il dit, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Alléluia. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sont pas en vain. Waouh! Waouh! Donc, soyons fermes. Soyons fermes. Soyons fermes. Inébranlables, parce que certains d'entre nous sommes inébranlables. Ou bien c'est ça, c'est un mot comme ça. Certains d'entre nous ne sont pas fermes. Alléluia. Yeah, on n'est pas fermes. Waouh! On n'est pas fermes. Waouh! Yeah. Il dit, sachant, travaillons pour le Seigneur. Faisant de mieux en mieux l'œuvre de Dieu. Ah, beaucoup d'entre vous ne faites rien à l'église. Si tu crois qu'il existe un ciel, le sein d'Abraham, un jour, tu vas faire beaucoup pour le Seigneur. Tu vas travailler pour le Seigneur. Tu vas évangéliser pour le Seigneur. Lorsqu'on dit prière, tu seras là pour prier. Lorsqu'on dit allons à l'église, on va aller à l'église ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah, parce qu'un jour, tout ce que nous avons, incorruptible, bien corruptible, le corps-là sera détruit. Tout ce que nous avons, nos diplômes, seront détruits. Alléluia, le diplôme, c'est valable pour ton âge. C'est valable pour des années que tu vas vivre sur cette terre. Ou bien, et puis c'est fini. Donc, à part l'étude et tout ce que nous voulons faire dans cette vie, nos projets que nous avons, nous devons travailler pour le Seigneur. Il dit frère, qu'est-ce qu'il a dit? Frère, c'est ça non? Bien-aimé, frère, bien-aimé. Il n'a pas dit, oh, évangéliste, bien-aimé évangéliste, bien-aimé évêque, bien-aimé pasteur. Il a dit tout le monde. C'est pourquoi il a dit, beaucoup sont appelés, nous sommes tous appelés. Yeah. Si tu as reçu le Seigneur, si tu as reçu le salut, tu es appelé. Donc il est en train de parler à tout le monde, frère, bien-aimé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Travaillons pour Dieu. Travaillons pour Dieu. Si c'est de venir à l'église, venons tous à l'église. Parfois, je suis fâché contre les gens. Si tu ne veux pas venir à l'église, n'empêche pas les autres de venir à l'église. Parfois, on retrouve deux personnes qui vivent ensemble. Et puis l'autre décide, ok, moi, je ne viens plus à l'église. Bon, donc, l'autre là, il y a l'autre qui vient à l'église. À l'église. Ah, mais pourquoi? Toi, tu vas toujours à l'église. Pourquoi tu vas trop à l'église comme ça? Je suis fâché contre toi si tu fais ça. Parce que la Bible dit, on va comparer, Dieu va apparaître devant le trône du jugement. Et tout le monde, ce n'est pas avec toi. Donc, si tu ne peux pas venir, pas de problème, reste à la maison. Mais n'empêche pas les autres de venir à l'église. Il y a les francophones qui font ça. Ça m'étonne. Je dis, ah, j'ai ma vie. Tu as ta vie. Si tu ne veux pas venir à l'église, moi je veux être ferme. Ou bien, je veux être inébranlable. Je ne veux pas être découragé par toi. Ou bien, je ne veux pas être découragé, je veux venir à l'église. Donc ne m'empêche pas, ne me décourage pas. Ou bien, yeah. Ah, les Francs, vous aimez trop ça. Les Ghanais, moi je vois, les Ghanais, ça me fiche jamais. Si tu veux aller, va à l'église. Va à l'église, personne ne va pas t'empêcher. Mais les francophones aiment ça. Aiment. Oh, toi, tu vas encore, tu vas à Lighthouse. Oh, tu connais cette église avec des critiques. Si tu veux critiquer, reste dans ta maison et critique à toi-même. Ne critique pas. Critique. Ou bien. Ce que le Seigneur m'a dit ne t'a pas dit. Ce que le diable t'a dit ne m'a pas dit. Ou bien, ce que le diable t'a dit, moi je n'ai pas entendu. C'est toi seul qui as entendu ça. Moi, le Seigneur m'a dit de faire l'œuvre pour lui, de venir à l'église, de le servir. Tu n'as pas entendu ça. Donc ne viens pas me décourager. Si le diable t'a parlé, ben, reste dans ton coin. Alléluia. Yeah. Surtout les gens qui restent dans la même chambre. Ou bien, même chambre. Il y a une personne qui vient, bon, et dit que l'autre là, non, moi je ne veux plus aller. Les gens de Lighthouse là, mais on ne sait pas si c'est une bonne église, on ne sait même pas. Mais. Et puis essaie de décourager ton voisin avec qui tu restes à la maison. Hein? Quand ça, c'est quelle mauvaise compagnie? C'est ce qu'on appelle mauvaise compagnie. Toute personne qui te décourage et qui te décourage de servir le Seigneur, c'est une mauvaise compagnie. Yeah, toi, tu veux aller dans l'enfer. Moi, je ne veux pas aller, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ou bien, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, si nous croyons que le ciel existe, un jour, on va aller tous ensemble. Ou bien, il y a le ciel et l'enfer, un jour. Les deux endroits, après cette vie, après tout ce que nous voyons, après tout le doomsday et tout ça là, un jour dont nous devons être fermes, pas découragés. Je vous dis que personne ne t'empêche de servir le Seigneur. Yeah. Les gens sont là pour vous décourager. Ils sont spécialistes, décourageurs. Lorsque tu fais du bien, ils veulent te décourager. Lorsque tu fais le mal, il veut te décourager. Dans toute chose, il veut te décourager. Ah! Mais décourager, toi, tu ne veux pas, reste quelque part. Non, moi, je ne veux pas que tu viennes me décourager. Yeah. Yeah. Yeah. Donc, servons tous le Seigneur. Soyons fermes. Soyons inébranlables. Alléluia. Il dit quoi? La Bible dit quoi? Il dit, faites quoi? De mieux. Il dit quoi? Yeah. Il y a une expression à utiliser. Travaillons. C'est ça? Bien faire l'œuvre de mieux en mieux. C'est ça, non? Verset 58. Travaillons de mieux en mieux l'œuvre. Ou bien, c'est ça, non? Yeah. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. De mieux. Plus encore. Beaucoup de prières. Beaucoup d'évangélisation. Beaucoup de réunions. Beaucoup de venir à l'église. Beaucoup de répétitions. Beaucoup de... Beaucoup. Yeah. Yeah. Il y a des gens qui font beaucoup de fornication. Beaucoup de boire de l'alcool. Beaucoup de boire de nuit. Non, nous voulons servir le Seigneur beaucoup. Beaucoup. Yeah. Yeah. Ou bien, les gens sont censés faire beaucoup de choses, mauvaises choses. Beaucoup. Beaucoup. Nous voulons servir le Seigneur. De mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Sachant que ce que nous faisons, ce n'est pas en vain. Si tu es venu à l'église ce matin, ce n'est pas en vain. Oh. Ce n'est pas en vain du tout. Tu n'as pas perdu le temps. Alléluia. Si tu as prié ce matin, ce n'est pas en vain. Ah, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Si tu donnes une offrande, ce n'est pas en vain. Les gens qui te découragent de donner des offrandes, les gens qui te découragent de donner la dîme, si tu ne veux pas donner la dîme, croise tes bras. Pas de problème. Croise tes bras. Nous voulons donner. Ou bien, yeah. Yeah. Alléluia. Parce que nous croyons que le ciel existe. Ça existe. Yeah, ça existe. Ça existe. Yeah. Et parfois, ce n'est pas, c'est pas les non, les infidèles, ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est même les chrétiens qui nous découragent. C'est même les chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens, là, c'est eux qui nous découragent. Yeah. Il faut aller voir. Et Jésus, qui ont tué Jésus? Ce sont les chrétiens. Ce sont les pasteurs qui ont tué Jésus. Yeah, il faut aller lire. Ce sont eux qui ont tué Jésus. Donc c'est nous-mêmes, sont contre nous-mêmes. Ce sont les chrétiens qui nous découragent. Ça, c'est mauvais. Wow. Wow. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. Et vous voyez, parfois, il y a des gens qui te découragent. Vous faites des bêtises ensemble. Yeah. Faites des bêtises ensemble. Mais eux, lorsqu'ils reviennent dans leur cœur, Seigneur, aie pitié de moi. C'est comme à l'école. L'autre fois, j'ai regardé une vidéo. Des étudiants. Et puis l'étudiant, là, il veut être le premier de l'école. De sa classe. Donc, il ne veut pas que les gens... Il y a un prix à la fin. Donc, ce qu'il a fait, lorsque c'est la nuit ou bien le temps d'apprendre, il prend les magazines, les photos pornographiques et met ça à la poche, à la porte de tous les autres. Lui veut apprendre. Il va et puis apprend et puis met les photos. Et puis les étudiants prennent, puis ils vont dans la chambre, apprennent, puis ils regardent les photos pornographiques. Donc, il les empêchait d'apprendre et lui va y apprendre. C'est la même chose. Vous faites des bêtises ensemble. Mais lorsque tu vas, tu demandes pardon. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Donc, si tu fais des bêtises avec quelqu'un, vous croyez que nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Hey, fais attention. Fais attention. Un jour, il y avait des amis qui sont allés en boîte de nuit. Et donc, ils retournaient à la maison. Et donc, lorsqu'ils retournaient, ils avaient leur voiture, ils arrivaient à la maison. Et puis, ils ont décidé que tout le monde était calme dans la voiture. Donc, il a décidé de mettre un CD pour écouter au moins, qu'il y ait un peu de vie dans la voiture. Donc, il a mis le CD. C'est une prédication. Donc, il a dit, ah, mon frère, donc toi aussi, tu écoutes les prédications. Tu es chrétien. Le gars était stupide. Toi, tu es chrétien. Nous croyons que nous sommes ensemble. Alors que toi, tu es chrétien. Yeah. Donc, fais attention. Le gars avec qui, ou bien la fille avec qui vous faites des trucs là. Tu ne sais jamais. Oh. Alléluia. Un jour, il va partir et toi. Yeah. Yeah. Les gens écoutent les messages. Les gens prient. C'est avec qui tu penses que nous tous on ne prie pas. Oh, nous tous ne sommes pas des chrétiens. Oh, non. Non, les gens font des choses en secret. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Yeah. Philippiens chapitre 2, je termine avec ça. Est-ce que vous n'êtes pas béni ce matin? Yeah. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, alléluia. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Waouh! Ça, c'est un bon conseil. Oh. Tout le monde doit travailler son salut. C'est pas dire, oh Seigneur, je te donne ma vie, je reçois Jésus comme mon sauveur, et puis c'est fini. Non! Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être prendre ton salut. Tu peux perdre le salut. Alléluia! Oh, ça veut dire quoi? Une fois sauvé, c'est fini. Non, une fois sauvé, tu dois travailler ton salut jusqu'à la fin. Parce que les gens commencent et ne terminent pas. Les gens commencent et tombent. Les gens commencent et retournent à la vie ancienne. Mais nous, nous devons travailler notre salut. Alléluia. Chaque jour, tu dois travailler ton salut. Tu vois que je suis dans la foi. J'ai toujours la vie éternelle. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, le salut, c'est individuel. Et tu dois travailler ton salut. Hein? Avec crainte. Tu dois craindre le Seigneur. Tu dois craindre que, ah, si je ne suis pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller dans l'enfer. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bien, son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Amen. Amen. Soyons fermes. Dis à ton voisin, soyons fermes. Travaillons de mieux en mieux. L'œuvre du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on sera ferme? Est-ce que nous serons libérables? Est-ce que nous serons encouragés? Nous ne serons plus découragés. Yeah. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas en vain. Au nom de Jésus. Levez-vous, s'il vous plaît. On va continuer la semaine prochaine. Alléluia. Si nous croyons que le ciel existe, ça c'est la première chose. Nous devons être fermes et inébranlables. Ça c'est la première chose. Il y a deux autres choses. La semaine prochaine, on va continuer. Alléluia. Amen. Fermez les yeux ce matin. Et remercier le Seigneur pour ce que tu fais. Ce que tu fais, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Et prier, demande le Seigneur. Si peut-être que tu es même irrégulier à l'église, tu ne viens pas chaque dimanche. Tu te laisses, je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas sérieux avec le Seigneur. Tu commences, tu arrêtes. Parfois, tu fais des bêtises. Mais ce matin, tu veux demander, Seigneur, aide-moi. Je veux être ferme. Je veux être sérieux avec toi. Je ne veux plus continuer dans la vie ancienne. Je veux te servir. Est-ce qu'on peut prier? Fermez les yeux et prie ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Me demande d'être ferme. Demande d'être inébranlable. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas être découragé. Seigneur, je ne veux pas être découragé par n'importe qui. Par n'importe qui. Par n'importe qui. Parce que le salut est individuel. Le jugement, c'est individuel. On va nous juger individuellement. Seigneur, merci. Merci pour le zèle que tu amènes. Le zèle que tu amènes dans cette église. Dans le cœur de chaque personne, Seigneur, le zèle. Au nom de Jésus, Seigneur, merci ce matin. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Et avant de s'asseoir, je vais prier pour toi. Fermez les yeux, s'il vous plaît, une fois. Fermez les yeux. Si tu es là, tu ne comprends même pas ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu étais venu, on t'a invité. Tu ne crois pas vraiment. Mais ce matin, la parole t'a touché. Le Seigneur a touché ton cœur et tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux dire Seigneur, tu veux dire pasteur, prie pour moi. Tu veux dire Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Peut-être que tu ne comprends pas vraiment. Tu ne vas pas comprendre tout en un jour. Mais lorsque tu donnes ta vie et tu commences, le Seigneur va te révéler la vérité. Donc ce matin, tu es là, tu veux donner ta vie à Dieu. Est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. Ne quitte pas cet endroit sans donner ta vie à Dieu. Tu n'es pas sauvé. Lève la main. Lève la main. Merci mon frère. Merci. Merci. Toi si tu veux lever la main. Lève la main. Donne ta vie à Dieu ce matin. Donne ta vie à Dieu. Ne sois pas comme l'homme riche qui n'a pas servi le Seigneur dans sa vie. Il n'a pas servi. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux recevoir cette vie éternelle. Qu'un jour, lorsqu'il vient, tu seras avec lui. Les anges vont te porter et t'amener au ciel. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Il ne faut pas partir sans lever la main. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Les yeux fermés. Si vous pouvez baisser la tête, s'il vous plaît. Baisse ta tête et ferme les yeux. Et donne ta vie à Dieu, si tu veux. Si tu veux. Le Seigneur a touché. La parole t'a touché. Tu as réalisé que non. Tu as besoin du Seigneur ce matin. Non, ne rentre pas à la maison sans donner ta vie. Parce qu'on ne sait jamais. La trompette peut sonner aujourd'hui. La trompette peut sonner demain. Et tu ne sais pas quand ça va sonner. Lève ta main et donne ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, est-ce que tu peux venir devant? Tu as levé la main. Viens, on va prier. Viens. Viens. Viens. Viens. Alléluia. Si tu as levé la main aussi, tu peux venir. Tu peux rejoindre. Tu peux rejoindre le frère. Si tu as levé la main, viens. Viens. C'est lui seul. C'est lui seul. Merci. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Mon frère, merci ce matin. Le Seigneur t'a appelé et veut te sauver. Est-ce que tu peux répéter cette prière avec moi et avec tout le monde? C'est fermer les yeux. Dis, Seigneur, je te remercie. Ta parole m'a touché. Ce matin, je décide de te suivre parce que je crois que tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir le reste de ma vie. Donne-moi cette grâce de pouvoir être ferme, inébranlable, jusqu'à la fin. Seigneur, merci ce matin. Au nom de Jésus. Amen.